Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 41e épisode de Geekorama. Mon nom est Dominique Jean, et aujourd'hui je vais vous parler de Heroes of Might and Magic 3. Et pour ceux qui connaissent, Heroes of Might and Magic 3, c'est vraiment pas mon style de jeu en tant que tel. Tu sais, d'habitude, c'est je joue à des jeux d'action, il faut que ça aille vite, puis tu sais, les jeux slow gaming comme ça, d'habitude, c'est pas mon style, tu sais, c'est vraiment... C'est un turn-based tactique, là. Fait que, tu sais, c'est du slow gaming. Mais, je sais pas, en 99, mes goûts étaient peut-être différents, je sais pas, mais je pense que c'est mon frère qui m'a incité à jouer à ça parce que ce qui était vraiment cool, c'est que ça pouvait jouer à 8, ce jeu-là. Puis, ce que je faisais avec mon frère, c'est que lui, il était assis devant l'ordi, puis moi, j'étais à côté, puis chacun notre tour, on faisait notre tour, puis on jouait à deux contre des ordi, c'était vraiment cool. Puis le jeu en tant que tel, il était relativement difficile, mais en tout cas quant à moi, il était pas si complexe que ça. Au niveau du gameplay, il jouait bien, puis il était pas trop dur à comprendre. Mais je vous en parle aussi justement pour la soundtrack parce que elle est vraiment sweet, elle est relativement relax par contre, c'est pas du chiptune, hyper catchy, là, mais tu sais, pour les gens qui ont joué à l'époque, là, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Moi, ça me rappelle, en tout cas. Fait qu'on va y aller avec le bloc 1 de suite. Après ça, Combat Team 2. Après ça, on a le Castle Town. Puis ça, le Castle Town, là, c'est le château avec les humains, là, tu sais, les humains, les humains, mais il y a un griffon, des anges, des cavaliers, bref... c'est un château qui était relativement puissant. Quant à moi, il était. Les archanges, qui étaient la dernière unité, là, étaient relativement. Quant à moi, il était vraiment overpower, à mon avis. Là. Mais c'est un château qui était vraiment cool. Puis après ça, on a le Dungeon Town. Puis ça, le Dungeon Town, c'est la ville avec les. Tu t'avais des troglodytes, t'avais des harpies. Les dragons noirs, les manticores, les minotaures, les méduses, ça c'était les beholders, ça c'était un château que j'aimais bien ça, parce qu'il y avait des grosses bébites grotesques, puis ça j'aime ça. Fait que, on y va pour le bloc 1. We'll be right back. Hey, on est rendu au bloc 2, puis au bloc 2, ben, on a le Combat Team 3. Après ça, on a le Fortress Town. Ça, le Fortress Town, c'est cool. C'est comme une espèce de... Ça, c'est comme le char, là, la ville là, des marécages. Là, t'avais... Moi, j'adorais, entre autres, la dernière unité qui était les hydres. Ça, c'était cool. C'est une espèce de dragon slash serpent des mers géant avec plein de têtes. Là. C'est juste débile. Les Wyverns étaient cool aussi. Mais j'adorais aussi les Gorgons, qui étaient une espèce de... De taureau là, vraiment puissant là, qui était vraiment badass. Il y avait les Dragonfly, les lézards, basiliques, puis les. Je pense que je sais pas si je le prononce, les gnolls, les. Bref, ils ont un drôle de nom, mais c'est des espèces de petits. Des espèces de bonhommes avec une espèce de fléau, là. Puis en tout cas, c'était quand même une bonne idée tout de même, malgré le nom étrange. Puis. L'autre track, c'est Inferno Town. Puis ça, Inferno, c'est... ça, c'est comme la ville, là, de la ville du diable. Tu sais, t'avais des... La dernière unité, c'était une espèce de... C'était le Arch Evil. Ouais, c'était une espèce de gros démon avec une faux à l'envers. Puis les autres, ils se téléportaient. Il y avait vraiment beaucoup... Il y avait beaucoup de speed, fait qu'il... C'était vraiment une unité vraiment puissante. T'as des cerbères, t'as des espèces de génies maléfiques là, qui tirent du feu. T'as des magas qui tirent des espèces de grosses boules de feu. Ouais, t'avais des démons. Non, c'est un château que j'aimais bien aussi, ça. Inferno, il était vraiment plaisant à jouer. Fait que. Combat Team 3, Fortress Town et Inferno Town. Boom! We'll be right back. Hey, on est rendu au bloc numéro 3, puis au bloc 3, ben, on a Necromancy Town. Puis Necromancy Town, ça c'est... ça, je l'aimais bien gros aussi, ben, comme la plupart, parce qu'ils sont vraiment tout uniques. Ça, c'est la ville des squelettes. Ça, t'avais des squelettes, des zombies, des vampires. Les vampires étaient vraiment puissants, ils pouvaient voler la vie des ennemis. Ils pouvaient voler des unités des autres ennemis. Dans le fond, ils se régénéraient, c'était vraiment fort. T'avais les Black Knights aussi, qui étaient vraiment... Eux autres étaient surpuissants parce qu'ils pouvaient faire une espèce d'upgrader, là. Ils pouvaient faire une attaque... il y avait des chances de faire une attaque double dégâts. Ça, c'était vraiment puissant. Après ça, comme... la dernière unité, t'avais des dragons fantômes aussi qui étaient vraiment cool. Ils pouvaient comme baisser le moral des ennemis. C'était pas la meilleure dernière unité, mais ils étaient badass. C'était vraiment fun. Puis après ça, on a Rampart Town. Bref, pensez un peu à l'univers des Hobbits, je dirais. Parce que là-dedans, t'as des elfes, entre autres. Ils étaient vraiment puissants, les elfes. Ils tiraient des archers. Puis quand t'es upgradés, ça devenait des grands elfes. Puis là, ils pouvaient tirer deux flèches à la fois. Ça, c'est une méchante bonne unité. Les nains étaient cool aussi. T'avais des espèces d'arbres géants. T'avais des dragons d'or, des licornes, des centaures, des pégases. Ça, c'était un château qui était vraiment le fun aussi. Les héros étaient intéressants. Puis non, Rampart était le fun. Après ça, l'autre, ben, c'est Stronghold. Et Stronghold, ça, c'est les orques. T'avais des orques, des behemoths qui étaient des espèces de grosses créatures géantes avec des griffes vraiment très très très longues. Puis eux autres, ils avaient une habilité de faire ignorer la défense des ennemis. Ça, c'était vraiment bon. T'avais des cyclopes aussi là-dedans qui puis avaient la capacité d'attaquer les châteaux c'est comme à la place des catapultes. Ça, c'était vraiment hot. T'avais des espèces de... t'avais des wolf riders, des gobelins, des ogres. Non, c'était... Stronghold, ça, c'était vraiment un château barbare, là, spécialisé dans l'attaque. C'est ça, la spécialité. Fait que... Necromancy Town, Rampart Town et Stronghold Town. Thank you. Et on est rendu maintenant au bloc 4, puis on a bloc 4, ben il nous reste deux villes. Puis on a la première, c'est Tower Town. Puis Tower Town, ça c'est la ville qui était spécialisée dans les magies. Ça. C'est vraiment, t'avais beaucoup d'upgrades pour les bâtiments qui donnaient beaucoup de spells. Ça c'était vraiment des spécialistes ça, pour les magiciens. Mais les unités étaient cool. Entre autres, la dernière unité c'était c'était des titans. Puis les titans, eux autres, quand ils étaient upgradés, entre autres, ils pouvaient attaquer à distance. C'était une unité qui était vraiment bonne et qui coûtait très cher. C'est rare que quand j'avais Tower, je réussissais à les upgrader au complet. Bien souvent, j'avais de la misère, je finissais la partie avant. Mais c'est une bonne unité. T'avais des gargouilles, des nagas. Des nagas, c'est comme une espèce de femme avec un corps de serpent avec plein de bras. C'est vraiment cool. Ouais, des gargouilles, des golems, je me rappelle plus les autres, t'avais des mages aussi, t'avais des magiciens, ouais, puis des espèces de petits gobelins aussi, mais eux autres étaient vraiment poche, ils mouraient tout le temps en premier, mais Tower, ouais, c'était un bon château, il coûtait cher en général, là, mais très très très spécialisé dans la magie. Et l'autre, ben le dernier, c'est Conflux Town. Puis Conflux Town, il l'a pas dans Heroes of Might and Magic 3 original. Ça venait avec, je pense, c'est Armageddon Blade ou bien Shadow of Death. Bref, t'as eu deux extensions avec ce jeu-là. Puis j'ai décidé de l'inclure dedans parce qu'ils ont juste ajouté cette ville-là de plus. Fait que je me suis dit, la chenoute, je vais le mettre dedans. Puis il n'y a pas vraiment d'autres. J'ai vérifié un peu en tout cas, puis il n'y a pas vraiment d'autres tracks de nouvelles qui ont ajouté pour les extensions. C'est pas mal tout la même chose. Fait que j'ai décidé d'inclure Conflux, puis Conflux, ça c'est vraiment là, 100% élémentaire. Là. Ça c'est, je dirais pas que c'est le château le plus faible, mais il est pas évident parce que les unités, là, ce qui est utile par contre, c'est que la plupart des unités, je sais qu'il y en a, je pense au total, il y en a 3 ou 4 qui attaquent à distance, fait que ça c'est bon. Je sais qu'entre autres, la dernière unité, c'est des phoenix, puis eux autres, ben, des phoenix, ça... Quand ils meurent, ben, ils peuvent se régénérer, ça c'est vraiment cool. T'as des élémentales d'eau, de terre, d'électrique, c'est vraiment juste des éléments. Mais c'est un château qui est cool, il est pas... quant à moi, c'est pas le plus puissant, mais il est plaisant à jouer aussi, comme les autres. Fait que Tower Town et Conflux Town, bonne écoute! Et voilà, c'est ce qui met fin à ce 41e épisode sur Heroes of Might and Magic 3. J'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode, ça va être un jeu vraiment qui m'a vraiment surpris par sa soundtrack, qui s'appelle Escape Goat 2. Ratez pas ça. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et également Instagram aussi. Fait que sur ce, passez une excellente journée. Au revoir.